Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 14. Des imperfections corporelles du Christ. Que le Christ a dû prendre les imperfections du corps humain. Était-il dans la nécessité d'en subir les suites? Peut-on dire qu'il les a contractées? Fallait-il qu'il les prît toutes? 1. Le Fils de Dieu a-t-il dû prendre dans la nature humaine les imperfections du corps? L'apôtre écrivait aux Hébreux, « Parce qu'il a souffert et a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés aussi. » Hébreux 2, 18. Trois raisons montrent que le Fils de Dieu a dû revêtir un corps sujet aux infirmités humaines. Premièrement, il est venu dans ce monde afin de satisfaire pour nous, en prenant sur lui les châtiments du péché, qui sont la mort, la faim, la soif et les autres misères du corps introduites dans le genre humain par Adam. De là ces paroles d'Isaïe, 53, 4, il a réellement porté nos douleurs. Il fallait, en second lieu, que la foi à l'incarnation fût établie par les imperfections corporelles. S'il avait pris notre nature sans elle, il n'aurait pas paru être véritablement homme, et l'on aurait pu croire, avec les manichéens, qu'il n'avait revêtu que les apparences de notre chair. Saint Thomas fut ramené à la foi du Christ par l'aspect de ses blessures. Troisièmement, il voulait nous donner l'exemple de la patience, en supportant avec courage les douleurs et les défaillances humaines, ainsi que nous l'enseigne l'apôtre, qui dit, « Il a souffert de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez pas abattre votre cœur par le découragement. » Hébreux 12, 3. Note. Les infirmités dont le Christ avait voulu se revêtir voilaient, il est vrai, sa divinité, mais elle manifestait son humanité, qui est la voie pour parvenir à la divinité, comme le marque ce mot de l'apôtre. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès auprès de Dieu. Ainsi qu'on le voit, le Christ, en prenant notre faible nature, voulait satisfaire pour l'humanité, démontrer qu'il était véritablement homme, et nous donner l'exemple de toutes les vertus. Fin de la note. 2. Le Christ subissait-il nécessairement ses défaillances? Il y a deux sortes de nécessités, celle de coaction, qui provient d'un agent extrinsèque, et la nécessité naturelle, résultat des principes intrinsèques d'un être. Par cette dernière, le corps du Christ était sujet à la mort et aux défaillances qui précèdent la mort. Dieu permit que sa chair souffrit et accomplit tout ce qui est une suite des principes même de la nature humaine. S'il s'agit de la nécessité de coaction, son corps y fut soumis dans les conditions de sa propre nature, en tant que cette nécessité répugne à la nature corporelle, il fut transpercé par les clous et déchiré par les fouets. Mais on ne saurait dire, absolument parlant, qu'elle affecta sa volonté divine ni même sa volonté humaine. Elle ne trouva d'opposition que dans ce premier mouvement naturel qui repousse l'aspect de la mort et des autres peines corporelles. Elle n'en trouva point dans sa volonté réfléchie. Note. Le Christ a été offert pour l'avoir voulu par sa volonté divine et par sa volonté humaine délibérée, mais la mort a rencontré chez lui, comme en nous, un premier mouvement d'opposition dans sa volonté humaine. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il contracté les défaillances corporelles? Le mot « contracté », appliqué au Christ, est impropre. Celui-là contracte une infirmité qu'il a subie par la cause d'où elle provient. Comme la cause de la mort et des autres défaillances de la nature humaine n'est autre que le péché, le Christ, qui a pris la nature humaine exempte de toute souillure, telle qu'elle l'était avant le péché, et qu'il pût la revêtir sans les infirmités dont elle est accompagnée maintenant, n'a pas contracté les défaillances corporelles, il les a prises par sa propre volonté. 4. Le Christ a-t-il dû prendre toutes les infirmités corporelles des hommes ? Il y a des infirmités qui ne sauraient exister avec les perfections de science et de grâce nécessaires à la satisfaction du péché pour laquelle le Christ prenait notre nature, telles sont l'ignorance, l'inclination au mal, la difficulté à se porter au bien. Il y en a d'autres qui ne sont pas une suite générale du péché originel, mais que certains hommes contractent par des causes particulières, ainsi la lèpre, le mal caduc et autres maladies du même genre, dont la cause se trouve parfois dans leur propre faute, dans leur intempérance par exemple, et parfois aussi dans les vices du sang. Rien de tout cela ne pouvait avoir lieu dans le Christ. Il en est, enfin, que l'on rencontre généralement chez tous les hommes, par suite du péché de nos premiers parents. Ce sont la mort, la faim, la soif et les autres affections pareilles que saint Jean Damascène appelle des misères naturelles sans déshonneur, celles-ci, le Christ a dû les prendre toutes. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.